DRY, hors limite, l'arceau, 9, 4, Mafa, va leur dire que. Eh, hey, Stokos, mes dealers. Une balle dans la tête, j'te la place comme Beckham. Je la mets, s'étouffe les fesses, hors limite des boules en bécane. Mon son dans l'illicite, comme tous ces dealers de cam. Le 9-4, 310, puissance de frappe, j'ai pas d'amalgame. Eh, hey, c'est qui fait du bruit, dites-moi, c'est quoi ce vacarme? C'est Esto, KOS, le mec de test que personne bécane. La rue, pardonne, forcément, j'ai pas d'état d'âme. J'suis dans la street, j'suis dans les blocs, et derrière moi, j'laisse 2-3 cadavres. Chez moi, que de la bonne substance en mal, elle sort d'Amsterdam. Orly un phénomène, les vrais le savent, on vient vous faire mal. J'ai le flair, je le ressens les rails comme n'importe quel animal. J'ai le croc, j'ai envie de niquer les rails, donc je resterai radical. Le Val de Marne, le Val de Meur, restera dans les annales. On défonce au MIC, bien pire encore qu'un bon joint de Zaman. C'est le 9-4-310, la zone est bouillante, la zone est dangereuse, je dirais même des fois même insolent. Et oui, ray. J'arrive du 9-4-310, mon but est pesé devant du 9-4-310. La rue m'a légué bien plus de 9-4-310. Or les suds pour le fric c'est 9-4-300 risques. Et j'arrive du 9-4-310. Mon but est pesé devant plus de 9-4-310. La rue m'a légué bien plus de 9-4-310. Or les suds pour le fric c'est 9-4-large. Orly 9-4, ma favelas, 300 soldats des terres à mort. Tout s'explique dans mon blast, lieutenant Jack Lars des terres hardcore. J'suis dans les mythes, le collectif toujours open pour faire du tort. On est encore plus vivant qu'avant, pendant que d'autres nous voyaient morts. On dirait FDR, mec des terres, Orly ma ville, gars on sait faire. Bientôt le projet des experts, nerveux brillant comme un CR. Orly ma ville c'est thug life, allume quand les keufs braillent. Chaque le visage joue sous la gorge, surtout si c'est un petit qui braille. Orly 9-4, force de frappe, donc les âmes elles passent à la trappe. On arbore l'instinct pirate, 2000 une zoom internatale. On accorde peu d'importance au falche, mais donne tout pour les vrais. Comme Fianso Jume, Ozaï ou Luffy, ou encore comme Béo Frère. En fait, j'porte la rage d'ici, un flow velu d'ailleurs. J'en présente mes frères dans le din jusqu'au plus petit big raveur. Frérot, t'es bienvenu dans mon hood. Tout ça a été risqué, péri. La CD, Orly 9-4-310, banlieue sud de Beris. J'arrive du 9-4-310. Mon but est pesé devant du 9-4-310. La rue m'a légué bien plus de 9-4-310. En les suds, pour le fric, c'est 9-4-300 risques. J'arrive du 9-4-310. Mon but est pesé devant du 9-4-310. La rue m'a légué bien plus de 9-4-310. En les suds, pour le fric, c'est 9-4. Match. Passe le mic que je te raisonne. Là c'est la zone où elle a vrai. Très peu d'amis, j'en suis navré. Le tiers à Fleury ou à Fresnes. Zone à risque 9-4-310. Un coup de zippo et c'est l'incendie. On arrive et tu l'as senti comme la peufra dans un chantier. Les frères, écoutez les vrais. Les faux finiront par se taire. À suivre la tendance, t'as dû te faire des potes. Mais finalement, tu t'es du père. Trop d'amitié rompue. On m'appelle, je réponds plus. J'ai ma belle paire de couilles. En plus, nos ennemis, c'est des. À part la S, RAS, on se trimballe dans la rue comme des rats. Trop souvent, le moral à zéro. Mais reste fidèle au poste comme des R en échec scolaire. Les minos croient dans un polar. Rêve de dollars sous polaire coffre. Ils ont zappé le Coca-Cola. Les potos prennent plus des gros chiffres, mais des grosses peines et des cavales. Drive-by sur une grosse bécane, juste à cause d'une putain cavale banane. Au lève même quand ça va mal. Sourire Kabyle, quartier de Paname. Pas mal de bananes. Ça jusqu'à la sanction finale. J'arrive du 9-4-310. Mon but est de peser devant du 9-4-310. La rue m'a légué bien plus 9-4-310. En les sud, pour le fric c'est 9-4-300 risques. J'arrive du 9-4-310. Mon but est de peser devant du 9-4-310. La rue m'a légué bien plus 9-4-310. En les sud, pour le fric c'est 9-4.